Difficile de caser une lecture dans votre emploi du temps? Avec le livre audio, c'est possible. Pendant votre trajet quotidien ou avant de vous endormir, plongez dans un livre audio avec Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et aussi des podcasts sur votre smartphone. Des coachings audio aux fictions sonores, explorez notre catalogue. N'attendez plus. Téléchargez l'appli Audible et vibrez au son des livres. 4h57 sur Europe 1 et nous retrouvons tout de suite Franck Ferrand aujourd'hui dans l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors quel 22 mars, Franck, avez-vous choisi de nous rappeler aujourd'hui ? Le 22 mars 1940, le jour de la formation du cabinet d'Union nationale. La Seconde Guerre mondiale a déjà commencé, mais on ne peut pas dire que la France soit vraiment au combat. C'est ce qu'on appelle à l'époque la drôle de guerre. Derrière la ligne Maginot, c'est bien cela ? Oui, en France, les combats se résument pour l'instant à des escarmouches, mais en matière politique, on s'écharpe. Le 20 mars, le gouvernement d'Édouard Daladier est renversé à la Chambre pour n'être pas intervenu en Finlande contre l'Union soviétique qui à l'époque est alliée à l'Allemagne, c'est le pacte germano-soviétique. Deux jours plus tard, le 22 mars donc, c'est Paul Reynaud qui est investi à la tête de ce fameux cabinet d'Union nationale. Et qu'est-ce que ça va changer, Franck ? Mais Reynaud est bien décidé à passer à l'action. Il propose aux Anglais d'intervenir en Scandinavie en vue de barrer aux Allemands la route du fer. Mais en représailles, Hitler envahit la Norvège. Il est donc temps de faire preuve d'efficacité. Paul Reynaud souhaite concentrer entre ses mains les pouvoirs de guerre. Seulement le ministre de la guerre va s'y opposer. Reynaud remet à ce moment-là sa démission au président de la République, qui est Albert Lebrun. Trop tard, l'offensive allemande a déjà commencé. La démission sera dès lors refusée. Et c'est ainsi que Paul Reynaud va devenir, j'allais dire malgré lui, le chef du gouvernement de la débâcle. Après quoi, bien sûr, c'est son successeur, le maréchal Pétain, qui fera signer l'armistice le 22 juin 40. Franck, on vous retrouve tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Oui, justement, pour une plongée au cœur de l'histoire du STO, le service du travail obligatoire. C'est noté, merci Franck Ferrand, à tout à l'heure, donc 14h pour Au cœur de l'histoire.